commencements, tout était vide. La nuit couvrait l'abîme sans voix. Ton esprit planait sur les eaux profondes et ton silence préparait la loi. Puis ta parole fend les ténèbres. Un seul mot ouvre l'horizon. La lumière naît dans l'obéissance. La voix de la création. Quand tu parles, le chaos recule. Que la lumière soit et la nuit s'enfuit. Par ton nom, tu es le commencement de toutes choses, le premier battement des deux l'homme. Tu sépares les eaux et le ciel, tu tresses les terres et les mers, tu sèmes les plantes et les saisons, tu appelles chaque étoile par son mystère. Le soleil se lève sur ton ordre, la lune garde le temps de ta main. Chaque jour répond à ton regard et la création suit ton chemin. Que la lumière soit et la nuit s'enfuit. Que la lumière soit et la vie jaillit. Tout prend forme à ta voix, tout respire par ton nom. Tu es le commencement de toutes choses. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Tout ce que tu dis devient vie.